professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment s'est diffusé le bouddhisme en Chine ancienne? Quels sont les personnages d'origine étrangère longuement installés en Chine qui ont permis son acculturation, demande la sinologue Anne Chang. Qu'est-ce qu'a été l'empire Kushan pour la Chine des Han au 1er siècle de notre ère? Anne Chang, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, nous propose, selon ses mots, de décentrer la Chine, de questionner sur la longue durée, du monde antique à aujourd'hui, la prétention chinoise à l'universalité et de sonder un espace circulatoire plus large où s'esquissent les interactions avec les grands voisins, notamment le monde indien, dans le cadre de sa série pluriannuelle intitulée « Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde ». Anne Chang poursuit son interrogation des premières traces bouddhistes en Chine, sous les Han, donc dès le 1er siècle. Dans un article donné en 2018, Anne Chang rappelle que c'est la dynastie fondatrice des Han, qui va de moins 206 à plus 220 de l'ère chrétienne, qui instaura une Pax Sinica à l'extrémité orientale du continent eurasiatique, pendant que s'imposait une Pax Romana à l'autre extrême. On constate, dit-elle, l'omniprésence de ce qui apparaît déjà comme un slogan politique, l'idée que les Han unifient ce qui est sous le ciel. N'oublions pas que cette dynastie des Han, écrit-elle, qui consolida l'unification de l'espace chinois réalisée en moins 221 avant Jésus-Christ, a donné son nom à la civilisation chinoise, à sa langue et à ce que la catégorisation actuelle dénomme l'ethnie dominante, autant dire à une forme d'identité culturelle, voire nationale. La traduction géopolitique de cette puissance d'irradiation symbolique est ce qu'il est convenu d'appeler le monde sinisé qui recouvre toute l'Asie orientale autour de l'espace chinois, proprement dit, Corée, Japon, Vietnam, Mongolie, autant de cultures qui ont à des degrés et à des moments historiques divers subi l'influence chinoise, que ce soit en empruntant son système d'écriture, ses structures gouvernementales, son modèle bureaucratique, ses conceptions de la hiérarchie sociale, ou en adoptant certaines formes religieuses nées en Chine ou assimilées par elles. On pense en particulier au bouddhisme venu de l'Inde, mais presque totalement sinisé dès les 7e-8e siècles. Dans les cours précédents, Anne Chang a donc souligné le caractère complexe et ambivalent des relations entre les grands centres de civilisation que sont la Chine ancienne et l'Inde. Aujourd'hui, l'espace s'élargit au continent eurasiatique et l'on découvre comment la diffusion du bouddhisme peut participer des échanges commerciaux dans le cadre des fameuses routes de la soie et de centres commerciaux florissants comme le fameux empire Kushan. Dans son passionnant ouvrage « Histoire de la pensée chinoise », Anne Chang indique que la légende fait commencer l'aventure bouddhique en Chine sous les Han postérieurs, une nuit où l'empereur Ming vit en songe une divinité d'or volée devant son palais. Celle-ci ayant été identifiée comme le Bouddha, des émissaires furent dépêchés vers l'ouest pour en savoir davantage. Et c'est à leur retour qu'aurait été construit à la capitale Luoyang, le monastère du Cheval Blanc. Les émissaires, envoyés par l'empereur Ming, seraient revenus avec un sutra en 42 sections, comme on l'a vu dans les cours précédents. Dans ce même ouvrage, la sinologue rappelle que dans la capitale de Luoyang s'organise très tôt un centre de traduction sous la tutelle des moines étrangers venus du pays des Parthes, d'Inde ou de Sogdian. Le plus célèbre, Han Chigao, un moine parthe arrivé à Luoyang vers 148, sous le règne de l'empereur Huan, devait passer une vingtaine d'années en Chine à propager la foi bouddhique, formant des moines chinois. Alors qui étaient ces moines étrangers installés longuement en Chine? Comment leurs noms de famille ont-ils évolué en Chine? Et comment peut-on parler d'ethnonymie? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 13 décembre 2018 pour le cours d'Ancheng. Aujourd'hui, des empires du monde indien à celui des Han, la diffusion du bouddhisme. Bonjour et bienvenue à tous. Donc nous parlions la dernière fois du contexte historique dans lequel apparaissaient les premières mentions du nom et de la figure du Bouddha. Je tiens à préciser, non pas dans une perspective d'histoire des religions, c'est pas du tout mon propos, mais dans la perspective de l'enquête que nous menons depuis quelque temps sur les rapports de la centralité chinoise au monde extérieur et aux autres. C'est ainsi que les sources textuelles fournissent à la fois des récits fantastiques et miraculeux sur l'apparition de ce Bouddha volant ou doré et doré dans le songe de l'empereur Ming des règnes postérieurs, mais aussi des indications historiques sur le culte qui commence à être rendu à ce Bouddha à la cour impériale de Luoyang, ainsi que dans des cours princières périphériques comme celle du roi Ying de Chu sur la côte est de la Chine. Or, il se trouve, comme nous l'avons vu, que c'est dans cette région côtière, à proximité de la capitale du royaume de Chu, qui s'appelait alors Pengcheng et qui est l'actuelle ville de Xuzhou. C'est donc dans cette région que on peut encore voir les traces matérielles d'une possible présence bouddhique dès le 1er siècle de notre ère en terre chinoise. Et nous avons vu la dernière fois ce site de Kongwangshan avec ces sculptures gravées à même la roche dont nous avons longuement parlé la dernière fois, et pour cause, puisque les historiens de l'art, les historiens des religions, les archéologues se disputent encore aujourd'hui pour déterminer si ces traces sont à caractère bouddhique, c'est-à-dire d'origine étrangère, ou bien à caractère taoïste, de facture donc autochtone et locale. Et les discussions tendent en général à se focaliser sur cette figure, et dont vous voyez un estampage qui permet de distinguer un peu mieux, par exemple, la gestuelle de la main, cette main levée qu'on pourrait interprété comme le mudra de l'absence de crainte, Abhaya Mudra. Et cette figure, on s'est beaucoup demandé si elle est censée représenter le Bouddha, hein, dans la mesure où elle pourrait être rapprochée de cette figure du Bouddha qu'on a retrouvée à Mahao, au Sichuan, ou bien s'il faut plutôt l'identifier comme la reine-mère de l'Ouest, Xi Wangmu, comme celle-ci que l'on trouve également au Sichuan sur le site de Xintu. Vous avez ici donc l'original donc de cette représentation, et je vous ai montré d'abord l'estampage. Alors, il semblerait, en tout état de cause, que le Shandong, enfin disons en tout cas le sud du Shandong, cette région ici, et le Sichuan ici, soit deux des principales zones où se concentrent les traces supposées de cette présence bouddhique en Chine sous les Han postérieurs. En tout cas, c'est ce que nous disent les découvertes archéologiques. Vous avez ici la carte des commanderies Han au tout début de notre ère, donc au 1er siècle. Et nous avons vu qu'un certain nombre de spécialistes s'accordent désormais pour récuser le simplisme d'une opposition tranchée entre, d'un côté, des représentations chinoises, comme la reine mère de l'Ouest, et de l'autre, des représentations étrangères, comme le Bouddha indien. Et on s'accorde également, même pour dire que, enfin pour trouver quelque peu réductrice, l'idée d'une soi-disant influence bouddhique sur l'art chinois. Les conclusions s'orientent actuellement plutôt vers la notion d'une, je cite les termes de Nicolas Dufray, que je citais in extenso la dernière fois, la notion d'une coalescence de formes diverses qui ont abouti à de nouvelles représentations. Donc, au fond, une sorte d'amalgame qui est assez novateur. Alors, toujours est-il que la prise de conscience de toutes ces complexités n'a pas abouti à prendre sérieusement en considération les spéculations, il faut le dire, quelque peu fantaisistes, en tout cas peu fondées, et les conclusions assez hâtives et pourtant émises avec une belle assurance par certains zélateurs sur ce qu'ils appellent les débuts d'une évangélisation de la Chine par l'apôtre saint Thomas, qui serait, tenez-vous bien, venu de l'Inde jusqu'en Chine au 1er et 2e siècle de l'ère chrétienne, bien évidemment, et aurait converti tout simplement au christianisme ce roi Ying de Chu, ce qui expliquerait, bien sûr, la présence de figures et de scènes interprétées tranquillement comme étant d'inspiration chrétienne sur les parois de Kongwanshan. Alors, ceci ne signifie pas qu'il faille exclure que des croyances diverses se soient mélangées et répandues dans ce que les sources chinoises mentionne sous la dénomination de Futu ou Fuotuo, souvent abrégé en Fuo, tout simplement, qui sont les premières translittérations chinoises du nom du Bouddha d'origine indienne. Alors, comme le rappelle le grand Eric Zürcher dans son monumental ouvrage que je citais la dernière fois, The Buddhist Conquest of China, la conquête bouddhique de la Chine, la présence de communautés étrangères dans cette partie de l'espace chinois qui correspond à la partie sud du Shandong et la partie nord du Jiangsu actuel, cette présence de communautés étrangères s'explique assez facilement du fait que la capitale du pays de Chou, du royaume de Chou, Pengcheng, donc je viens d'en parler, l'actuel Xuzhou, était un centre très florissant d'échanges commerciaux situé précisément sur la route entre la capitale des Han postérieurs, Luoyang, que vous avez ici, et le sud-est de la Chine, ici. Une route qui était dans le prolongement de ce qui est devenu, comment dire, conventionnel d'appeler les routes de la soie continentales par lesquelles ces étrangers arrivaient de l'ouest. Donc vous avez ici une carte qui est fournie par Zürcher dans son ouvrage et qui vous montre en pointillé donc les routes commerciales qui arrivent de l'ouest. Vous avez ici la direction de Donghang, qui est un avant-poste donc dans le Grand Ouest chinois, et ces routes qui arrivent vers la Chine centrale en passant par les capitales Han, donc Chang'an, puis Luoyang sous les Han postérieurs, et qui continuent leur route vers soit justement le sud du Shandong, cette région qui nous intéresse plus particulièrement, et vers le sud-est, et qui a aussi des branches qui vont vers le Sichuan actuel, qui descendent également ici du bassin du fleuve jaune au nord vers le bassin du fleuve dit bleu au sud. Et cette carte vous montre également donc les routes de la soie maritime qui longe la côte pour remonter vers le nord et rejoindre ces routes qui montent encore plus au nord vers la Corée. Alors, ces étrangers sont peut-être ces figures énigmatiques représentées sur les parois du Kronwangshan que vous voyez ici à l'image. On s'est beaucoup interrogé sur l'interprétation à donner de cette figure, par exemple, dont la tenue est manifestement non chinoise et qui pourrait rappeler quelque peu la tenue de ce personnage en tenue Kushan, avec sa tunique évasée ici et les bottes qui est représentée ici dans une sculpture du IIe siècle qu'on a retrouvée au Gandhara, ou bien cet autre également d'un personnage en tenue Kushan qu'on a retrouvé à Mathura au nord de l'Inde. Et donc ces Kushan, qui sont une population aussi assez mystérieuse, enfin dont on ne sait que des choses assez fragmentaires, donc ces Kushan semblent avoir correspondu à l'origine à ce que les sources chinoises appellent les Yuezhi, avec qui les empereurs Han cherchaient à faire alliance contre les Xiongnu, d'où, vous vous souvenez peut-être, les deux missions du fameux Zhang Qian envoyées vers l'ouest par l'empereur des Han antérieurs, Wu Di. Nous avions vu cette carte qui nous montre justement cette poussée vers l'ouest. Vous avez ces tribus nomades des Xiongnu, donc au nord et à l'ouest de l'espace chinois, qui tendent à pousser encore plus loin vers l'ouest ces Yuezhi, avec lesquels les Han essayent désespérément de faire alliance contre les Xiongnu. Et nous voyons donc que ces Yuezhi se sont trouvés refoulés de plus en plus loin vers l'ouest, jusqu'à se retrouver au début de l'ère chrétienne au Cachemire, c'est-à-dire au nord de l'Inde, la région qu'on appelle justement le Gandhara, qui devient le cœur d'un empire connu sous le nom d'empire Kushan. Et ce nom de Kushan serait lui-même dérivé du chinois Kuishuang, qui désignait à l'origine une des branches de ces peuplades appelées Yuezhi. Alors, vous avez ici représentée de façon très très schématique la migration donc de ce que les Chinois appelaient les Yuezhi, donc de l'ouest de la Chine et toujours plus loin vers l'ouest, et ensuite revenir vers le sud, c'est-à-dire par l'actuel Afghanistan vers le nord de l'Inde. Alors, cet empire Kushan, vous en voyez une délimitation assez schématique ici sur cette carte, qui montre un petit peu la situation entre la fin du 1er et le milieu du 2e siècle. C'est donc la période qui nous intéresse. L'empire Kushan est alors à son apogée, avec le règne de Kanishka, le troisième empereur Kushan, qui est organisé essentiellement sur deux centres principaux. Vous avez ici Purushapura, qui est l'actuel Peshawar, et plus au sud, Mathura, au nord de l'Inde, qui est situé en fait tout près de la capitale actuelle de l'Inde, New Delhi. Alors, sous le règne de Kanishka, les Kushan contrôlent un très vaste territoire qui s'étend de la mer d'Aral au nord, qui recouvre les zones qui correspondent actuellement. Donc, vous avez une autre carte qui est la projection donc de cette carte de l'Empire Kushan sur la géographie actuelle. Et vous voyez que ces zones correspondent aux actuels pays qui se terminent en stan. Vous avez l'Ouzbékistan, l'Afghanistan et le Pakistan, et qui descend au sud jusqu'en terre indienne, aussi loin que Benares, Varanasi ici, sur le Gange, et Sanchi au sud. Donc vous voyez à peu près l'étendue du territoire. Et ce qui est intéressant, comme nous l'avons déjà noté, c'est que c'est au Gandhara, dans cette région centrale de l'Empire Kushan, qu'apparaissent les premières représentations humaines du Bouddha et des Bodhisattvas. Alors, ce qui est tout à fait significatif, c'est que cette délimitation de l'Empire Kushan correspond à peu de choses près au descriptif qui se trouve dans le chapitre sur les contrées de l'Ouest, le Xiyuzhuan, du Hōhanshū, des annales des Han postérieurs, que nous avons lu il y a quelque temps et dont vous vous souvenez peut-être. Je vous redonne ce texte. Nous n'allons pas le relire dans le détail, mais c'est juste un rappel. Je rappelle à propos de ce chapitre des annales des Han postérieurs. Alors, ces annales ont été compilées par un auteur du 5e siècle de l'ère chrétienne, mais ce chapitre sur les contrées de l'Ouest, l'auteur des annales dit explicitement que ce chapitre se fonde sur un document composé aux environs de 125 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire dès le 2e siècle, début du 2e siècle, par un grand général chinois, un grand général Han, du nom de Pan Yong. Alors, ce chapitre comporte un descriptif de ce pays qui s'appelle Tianzhu, autrement appelé Shentou. Vous avez le nom en rouge, Shentou, qui peut se prononcer de diverses manières, Yuentou, Tuentou, etc., qui correspond donc au Sindh, c'est-à-dire au bassin inférieur de l'Indus. Donc, ici, nous avons un descriptif de ce que les Chinois percevaient donc du monde indien et plus particulièrement du nord de l'Inde. Alors, le descriptif commence en disant « Le pays de Tianzhu porte aussi ce nom de Shentou. Il est situé à plusieurs milliers de li au sud-est des Yuezhi. » Donc, vous vous rappelez que les Yuezhi qu'on a, qui sont assimilés au Kushan. Donc, si vous prenez la direction sud-est par rapport à ce que les Chinois appellent les Yuezhi, vous tombez effectivement sur la vallée du Gange et donc sur ce nord de l'Inde. Leurs coutumes, les coutumes de ces Indiens sont identiques à celles des Yuezhi. Mais le pays est bas, humide et d'une chaleur étouffante. Leur pays est près d'un grand fleuve. Ils montent des éléphants pour aller au combat. Leurs gens sont plus faibles que les Yuezhi. Ils pratiquent la voie du Bouddha. Aussi est-ce devenu une habitude pour eux de s'abstenir de tuer et de livrer bataille. Alors, quand on part vers l'ouest de chez les Yuezhi, nous sommes toujours ici à peu près, et du royaume de Kaofu. Alors, Kaofu a été assimilé à l'actuel Kaboul, ici, en Afghanistan. Au sud, on arrive à la mer occidentale, c'est-à-dire, donc, on suppose que c'est l'océan Indien. Et à l'est, on arrive au royaume de Panchi, dont on a supposé que ça pouvait être le royaume du Vanga au Bengale. Donc là, ici, vous avez l'embouchure du Gange vers l'est. Et tout cela fait partie donc de Chengdu. Ce royaume compte plusieurs centaines d'autres villes qui ont chacune leur chef, et plusieurs dizaines d'autres pays qui ont chacun un roi. Alors, quand nous avons lu ce texte pour la première fois, nous avions remarqué au passage que c'est un détail qui frappe les Chinois, cette multiplicité, cette diversité donc des chefferies, alors qu'en Chine, nous avons déjà un empire Han qui est pas mal centralisé. Et on nous dit aussi que bien que ces différents pays diffèrent légèrement les uns des autres, ils portent tous le nom de Chengdu et appartenaient tous à cette époque, c'est-à-dire donc à l'époque où a été rédigé ce rapport de 125 de l'ère chrétienne, ils appartenaient tous aux Yuezhi, puisque les Yuezhi avaient tué leur roi et installé un général en chef pour mettre leurs gens sous un même commandement. C'est probablement ça, ce détail qui fait dire à l'auteur de ce chapitre que ces gens du Tianzhu sont plus faibles que les Yuezhi parce qu'ils ont été soumis donc par ces Kushan. Alors, la terre de ce royaume produit des éléphants, ça on a compris, donc qui était évidemment déjà intéressant pour les Chinois pour ce qui est de l'ivoire. Des rhinocéros dont les Chinois prisent toujours la corne, de l'écaille de tortue, de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb, de l'étain. Donc ça n'a pas échappé à ce général chinois nous avons une terre qui est riche en ressources naturelles et en ressources minières en quelque sorte. Et à l'ouest, ce pays communique avec ce que les Chinois appellent Tachin, dont nous avons déjà vu qu'il s'agit de la Syrie, c'est-à-dire la province romaine la plus orientale. Et ce royaume possède donc des objets précieux également venus de Tachin. On y trouve aussi des tissus fins, d'excellents tapis de laine, toutes sortes de parfums, du sucre, du poivre, du gingembre, du selgem. Donc tout ça, nous avions vu que ce sont des objets précieux qui, aux yeux des Chinois, peuvent servir de présent pour payer le tribut, et de fait qui ont été extrêmement prisés par les empereurs des Han postérieurs. Alors, si vous regardez un petit peu cette carte, encore une fois extrêmement schématique, qui vous montre le continent eurasiatique au deuxième siècle de l'ère chrétienne, vous comprenez un petit peu mieux ce que nous dit le grand sinologue qui a été professeur ici au Collège de France, Édouard Chavannes, qui nous fait cette remarque tout à fait intéressante, je le cite, « Les deux puissances qui, en Asie, s'interposaient entre Rome et la Chine étaient celles des Parthes. » Donc vous avez ici l'Empire romain qui arrive justement jusqu'à la Syrie, l'Orient romain. Les deux puissances qui s'interposent, c'est donc les Parthes, maîtres de la Perse, et celles des Kushan, maîtres de l'Inde, ici. Sur les Parthes, continue Chavannes, l'histoire chinoise ne nous renseigne guère. Les Romains, grâce aux guerres continuelles qu'ils leur firent, furent mieux informés à leur sujet. Mais, en ce qui concerne les Kushan, les textes chinois, bien qu'encore insuffisants, ont une importance capitale. Ce sont eux qui nous permettent de suivre dans les étapes successives de leur migration à travers l'Asie les Ta Yue Zhi depuis leur départ du Kansu, donc là je reviens à cette carte des migrations, jusqu'à leur arrivée dans le Badakhshan. Puis ils nous montrent les emplacements des cinq principautés qui leur furent soumises et qui s'étendaient du Wakhan jusqu'au Gandhara. C'est la plus méridionale d'entre elles, celle des Kushan, qui, entre l'an 25 et l'an 50 de notre ère, s'annexa les quatre autres et se substitua aux princes du Badakhshan. Ce furent ces mêmes Kushan qui, quelque temps plus tard, conquirent l'Inde. Les textes chinois nous apprennent encore l'influence considérable qu'eurent les Ta Yue Zhi à partir de l'an 2 avant notre ère dans la propagation du bouddhisme en Asie. Et un autre historien anglophone, celui-là, dont le nom ne vous dira pas grand-chose, mais cet historien nous fait remarquer qu'à la fin du 1er siècle, quelqu'un qui voyagerait d'ouest en est passerait de manière quasi continue de l'Empire romain à l'Empire parthe, puis à l'Empire Kushan pour finir dans l'Empire Han. Et il se trouve que ces quatre grandes puissances de l'époque, se trouvent détenir à L4 le monopole du commerce de la soie. Vous voyez combien un spécialiste comme Tan Sensen, dont je parlais la dernière fois, un expert d'origine indienne, mais qui a fait la plupart de sa carrière aux États-Unis, a eu raison d'intituler son ouvrage Buddhism, Diplomacy and Trade, c'est-à-dire donc le bouddhisme va de pair avec la diplomatie, comme nous l'avons vu. Ses sources Han, ces sources chinoises sont essentiellement émanent d'envoyés diplomatiques ou de militaires qui évidemment observent la situation d'un point de vue géostratégique. Également le bouddhisme a partie liée avec le commerce. Et justement, contrairement à ce que le titre de son propre ouvrage, The Buddhist Conquest of China, la conquête bouddhique de la Chine, pourrait laisser penser, Eric Zürcher montre que les premiers signes de présence du bouddhisme en Chine serait dû à des migrants, déjà à l'époque, des migrants originaires d'Asie centrale, qui n'étaient pas en Chine présents comme missionnaires ou comme prosélytes, donc pas du tout comme notre saint Thomas, mais comme des marchands, tout simplement, ou comme des descendants de marchands, ou même comme des réfugiés, ça existait déjà à l'époque, ou des otages ou tout autre statut. Et donc tous ces gens arrivaient avec leurs croyances et leurs cultes. Et ceci nous indique que dès le début de notre ère, certaines zones de la Chine centrale pouvaient être plus cosmopolites qu'on aurait pu le croire au prime abord. On parle très souvent du cosmopolitisme de la dynastie Tang, et notamment de la capitale Tang au 7e, 8e siècle, mais on s'aperçoit que dès les Han, nous avons une présence étrangère non négligeable en terre chinoise. Le Collège de France et France Culture vous présente Han Cheng, aujourd'hui des empires du monde indien à celui des Han, la diffusion du bouddhisme. d'après des sources un peu ultérieures aux Han postérieurs, donc je rappelle que les Han postérieurs se terminent officiellement en 220 de l'ère chrétienne, donc là nous parlons d'une période au tournant des 2e, 3e siècles. D'après ces sources qui sont fournies par une littérature différente de ce que nous avons connu jusqu'ici. Jusqu'ici, nous avons essentiellement regardé donc des sources historiques Han. Mais au début du IIIe siècle, commence à apparaître une nouvelle forme de sources qui sont en réalité des compendia de biographies bouddhistes, sur lesquelles je serai amenée à revenir. Donc, vous avez en particulier le Kaosengjuan, donc les biographies des grands moines, et le Chosenzangjiji, c'est-à-dire une collection qui concerne donc les trois corbeilles, ce qu'on appelle les trois corbeilles de la littérature bouddhique, ce qu'on appelle en sanskrit donc le Tripitaka, qui est composé donc des vinaya, c'est-à-dire donc des règles sur la discipline monastique, les sutras qui sont ces écritures sacrées qui sont censées recueillir la parole du Bouddha, et les shastras, c'est-à-dire les commentaires. Alors, il semblerait que nombre de maîtres bouddhistes importants, ce qu'on appelle en sanskrit les acharya, ces maîtres de l'enseignement bouddhique, beaucoup d'entre eux apparemment, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ne venaient pas de contrées lointaines, mais certains étaient même nés en Chine, dans des familles de migrants non chinois. Ou alors c'était des gens qui avaient rejoint la communauté monastique bouddhique après être venus en Chine en tant que laïcs, c'est-à-dire avec des objectifs tout autres que missionnaires. Alors vous avez à titre d'exemple, nous allons voir un petit peu un échantillon si j'ose dire de ces populations étrangères, présente en Chine, vous avez en haut de la diapositive le nom de Han Xuan, qui était un marchand arrivé de Partie, donc de l'Empire des Parthes. Il est arrivé à la capitale chinoise de Luoyang en 181, c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui, sous le règne de l'empereur des Han postérieurs, l'empereur Ling, qui a régné entre 168 et 190. Donc là, nous sommes vraiment déjà presque à la fin des Han postérieurs. Et ce n'est que plus tard que ce Han Xuan a rejoint la communauté monastique, alors dirigée par un autre parthe, un célèbre compatriote du nom de Han Shekao, qui a été l'un des tout premiers traducteurs connus d'ouvrages bouddhiques en chinois. Alors ce Han Shekao, vous avez entre parenthèses pour certains des personnages des dates, mais qui sont des dates très approximatives d'activité, ce ne sont pas des dates de naissance et de mort. On sait qu'ils ont été, ces personnages ont été actifs à peu près pour Han Shekao entre environ 148 et 180. Alors ce Han Shekao lui-même, malgré son statut mythique pratiquement, enfin de faire partie du premier groupe de traducteurs, en réalité, on ne sait pas grand-chose de lui. Et un grand sinologue italien, décédé depuis une douzaine d'années, Antonino Forte, a consacré une étude sur ce personnage à partir d'autres sources que les sources bouddhiques. Et donc, il a laissé cette monographie qui s'intitule The Hostage, Anshikau and His Offspring. Alors il l'appelle, en fait, il le présente comme un otage, et il parle de sa lignée, donc de la lignée qu'il a fondée, his offspring, c'est-à-dire ses descendants. C'est une étude qui est parue à Kyoto, où Antonino Forte a fait le plus clair de sa carrière, dans le cadre de l'Italian School of East Asian Studies, donc l'école italienne d'études extrême-orientales. L'école italienne de sinologie, on n'en parle pas souvent, mais elle est tout à fait intéressante, et en particulier nous avons de très grands spécialistes italiens l'histoire du bouddhisme primitif. Vous avez en particulier des noms que vous allez sans doute rencontrer si vous vous intéressez un petit peu à ce domaine, comme Antonello Palumbo, qui enseigne à la SOAS, à la School of Oriental and African Studies actuellement. Vous avez également le nom de Stefano Zacchetti, qui, si je ne m'abuse, enseigne à l'université d'Oxford. Ces Italiens maintenant sont eux-mêmes, expatriés dans des pays anglophones, mais toujours est-il qu'ils ont gardé en fait cette très grande tradition de bouddhologie, formée en Italie. Oui, alors j'oubliais de mentionner que cette monographie date de 1995, et elle donne vraiment un portrait tout à fait intéressant de ce Anshikau d'origine parthe, et vous voyez le portrait fictif, enfin c'est une représentation donc qui a été empruntée pour la couverture de cet ouvrage. Vous voyez que nous avons un personnage qui n'a pas l'air du tout chinois, dont on retrouve en fait des traits distinctifs, donc des très très grands yeux bien bien enfoncés, le grand nez. Les Chinois, il n'y a encore pas très longtemps, appelaient les Occidentaux les tapids, les grands nez, ou les kaopids, les nez très hauts, et également élément non chinois, la barbe ici. Alors, vous avez un autre traducteur très très fameux que vous avez en troisième ligne sur la diapositive, du nom de Zhi Qian, qui était d'origine Yuezhi. Son grand-père était un Yuezhi qui était venu s'installer en Chine avec un groupe de plusieurs centaines de compatriotes sous le règne de ce même empereur Ling, donc à la fin des règnes postérieurs. Et vous avez donc, en même temps que Zhi Qian, vous avez également d'autres personnages d'origine Yuezhi, comme ce Zhi Liang, avec qui Zhi Qian a étudié, et le fameux aussi Lokak Shema, connu en Chine sous le nom de Zhi Lou Jia Chen, qui a été actif environ entre 168 et 189. Dans la galerie justement de ces immigrés, si j'ose dire, vous avez dans le premier tiers du IIIe siècle l'également fameux Dharmaraksha, ici, sur cette ligne, connu en Chine sous le nom de Zhu Fahu, le préfixe Zhu, qui rappelle le Tianzhu, l'Inde, semblerait indiquer que ce Zhu Fahu était d'origine indienne, mais en fait, il était né dans une famille Yuezhi, établie depuis des générations à Donghuang, c'est-à-dire dans le Grand Ouest de la Chine. Et vous avez un autre Zhu, ce Zhu Shulan, qui a été actif aux environs de 266-316, qui lui est carrément né en Chine, puisqu'il était le fils effectivement d'un Indien, nommé Dharmasiras, qui avait fui son pays natal pour s'installer au Henan, hein, c'est-à-dire donc en plein centre de la Chine, avec toute sa famille, dans le courant de la première moitié du IIIe siècle. Et à la fin du IIe siècle, on trouve aussi parmi les traducteurs à Luoyang, donc à la capitale, un certain Kang Mengxiang, qui aurait été actif donc justement à la toute fin des Han postérieurs, aux environs de 190 à 220. Et ce Kang Mengxiang, dont on nous dit que ses ancêtres étaient originaires de Kangju, c'est-à-dire ce que les Chinois, enfin l'appellation que les Chinois donnent à la Sogdiane. Donc ce Kang Mengxiang était probablement d'origine sogdienne. De la même façon que Kang Senghui, actif aux environs de 247 à 280, Kang Senghui qui lui est né au début du IIIe siècle à l'extrême sud de l'espace chinois. Et on sait qu'il était le fils d'un marchand sogdien venu de l'Inde. Et c'est justement à propos de ce Kang Senghui qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui parlait chinois comme les Chinois, mais qu'il avait les yeux profondément enfoncés et le nez proéminent, caractéristique des Indiens, comme ce Han Shikao dont nous avons vu le portrait fictif tout à l'heure. Alors ça me rappelle enfin le genre de réflexion que j'ai quelquefois. Je me rappellerai toujours cette réflexion qui m'est venue d'un éminent professeur du Collège de France au moment où j'étais à milieu de me douter que j'allais finir au même endroit. Ce professeur n'est plus de ce monde, mais enfin, il m'avait dit pour me flatter probablement que, je le cite, si on vous ne voyait pas, on croirait vraiment que vous êtes française. Donc là, nous avons en quelque sorte la situation inversée hein, de ce Kang Senghui, donc avec une tête d'Indien et qui parle couramment chinois. Donc si on voyait pas sa tête, en fait, on le prendrait vraiment pour un Chinois. Bon, donc on a finalement l'impression que la présence bouddhique en Chine se fait sentir d'une manière, pour ainsi dire, non officielle, dans ces familles d'origine étrangère, qui sont, comme on l'a vu, éparpillées sur tout le territoire, mais dont certaines sont installées depuis des générations en terre chinoise, bien avant qu'apparaissent les premières mentions explicites du bouddhisme dans les sources textuelle chinoise. Donc ça, c'est ce qu'a montré justement l'étude d'Antonino Forte sur Han Shikao, c'est l'importance d'aller voir également dans des sources autres que les sources hagiographiques que nous donnent les biographies bouddhistes. Et on voit aussi de façon tout à fait intéressante que ces étrangers, bien que le plus souvent parfaitement acculturés en terre chinoise, reste classifié par ce qu'on peut appeler des ethnonymes ou en anglais des ethnicons, c'est-à-dire des termes qui fonctionnent comme des patronymes ou des noms de famille tout en indiquant l'origine ethnique. Alors, il faut noter que ces ethnonymes s'appliquent à tout individu qui, de près ou de loin, a une ascendance étrangère et quel que soit son lieu de naissance ou son lieu de résidence. Alors, vous avez donc, je vous ai mis sur la droite de la diapositive, donc l'origine de ces ethnonymes. Alors, pour l'ethnonyme Han, vous avez Anxi, qui est le nom chinois de la partie du royaume Parthe. Ensuite, vous avez Zhi, qui fait référence au Yue Zhi, c'est-à-dire donc cette ces peuplades du Grand Ouest de la Chine. Donc tous les gens d'origine Yuezhi sont classifiés avec un ethnonyme Zhi. De la même façon, les gens qui sont censés être d'origine indienne portent l'ethnonyme Zhu, qui fait référence à Tianzhu, le nom chinois pour le monde indien. De la même façon, vous avez Kang pour Kangju, Kangju le nom chinois de la Sogdiane. Nous avons vu donc l'ethnonyme Han, par exemple, pour Han Shigao, qui est né en partie, mais en revanche, vous avez Zhu Tian qui est lui est né en Chine et porte malgré tout l'ethnonyme Zhi par référence à ses ancêtres Yuezhi, et de la même façon le cas de Kang Senhui, qui est encore plus compliqué puisque il est né au sud de la Chine, dans ce qui est actuellement le nord du Vietnam, de parents sogdiens qui ont émigré de l'Inde, hein, qui sont passés par l'Inde. Et alors, dans le cas des moines bouddhistes, vous avez une couche supplémentaire de complications, parce que un peu avant le milieu du IIIe siècle, c'est devenu une pratique courante pour un disciple bouddhiste d'adopter le nom de famille de son maître, celui qui l'a enseigné, et dans le cas d'un maître étranger, d'un moine maître étranger, ce nom de famille sera un ethnonyme. C'est ainsi que le traducteur Dharmaraksha est appelé en chinois Zhu Fanhu. Alors, non pas parce que il est né en Inde, mais parce qu'il a étudié avec un maître indien, un maître originaire du Tianzhu. Et ça, on le sait que parce que sa biographie dit clairement que ce Dharmaraksha est né à Donghuang dans une famille Yuezhi. Donc, il n'est pas indien. Bon, simplement, il porte l'ethnonyme Zhu parce qu'il a étudié avec un maître indien. Et il semblerait que c'est le moine Tao An, que vous avez ici, qui a introduit à la fin du IVe siècle l'habitude d'utiliser le préfixe sh, qui correspond à la première syllabe de la translittération de Sakyamuni, le nom du Bouddha, Shijiamoni ou Shijiamoni en chinois. Donc c'est Tao An qui vraisemblablement a introduit cette coutume de faire précéder les noms de moines par ce nom de famille universel, en quelque sorte, qui est Shi, par référence au Bouddha. Et donc, avant cette période, les noms à deux syllabes, les noms des bouddhistes à deux syllabes, doivent être compris comme commençant par un ethnonyme et doivent donc être transcrits en pinyin, en deux noms séparés, du type An Xuan, donc avec deux An A majuscule, Xuan X majuscule, et non pas en un seul mot, de la même façon pour Zhi Tian, qu'on n'écrit pas en un seul mot. Et cela, que le personnage en question soit un moine ou un laïc. Mais après Tao An, on s'aperçoit que les noms de moines à deux syllabes doivent être compris comme un seul nom personnel, précédé donc du nom de ce nom de famille universel Shi, et doivent donc être transcrits en pinyin en un seul mot. Par exemple, vous avez justement Tao An lui-même, qu'on appelle quelquefois Shi Tao An, donc Tao An en un seul mot. De la même façon pour les autres grands moines bien connus des périodes ultérieures, comme Fa Xian, dont nous avons parlé déjà l'année dernière, qu'on appelle également quelquefois Shi Fa Xian, Hui Yuan, Xuan Zhang, etc. Donc ici, à partir de Tao'an, ces noms en deux syllabes doivent s'écrire en un seul mot, parce que c'est un seul nom personnel. Bien, alors je termine ici la torture pour l'instant. Plus de complications la semaine prochaine, où nous allons aborder justement la question des traductions, qui me paraît vraiment importante pour notre propos. Et comme le veut la formule, si le Bouddha nous prête vie. Merci. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter Anne Chiang, Universalité, Mondialité, Cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde. Aujourd'hui, des empires du monde indien à celui des Han, la diffusion du bouddhisme. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Anne Chiang. Hatcheng est notamment l'auteur d'une traduction des entretiens de Confucius au Seuil dans la collection Point Sagesse en 1981 et je rappelle son Histoire de la pensée chinoise en Point Seuil, réédition en 2014. Un grand merci à Anise Signoret et Antoine Villose de la documentation de Radio France. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre grande enquête en compagnie d'Anne Chiang. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de France Culture.